C'est la douce voix de Thibaut que vous entendez en ce moment, et Thibaut revient. Ça fait longtemps que t'es pas venu, hein. Au moins 2 semaines. Deux semaines. C'est Pyongyang Spiro Curs, qui numéro 392. T'as vu, je l'ai dit à la belge. Ouais, ça y est. Ouais. Merci. Ça va aussi, Lio? Bah oui, et toi? C'est bien. Bah ouais, moi ça va. J'ai encore préparé plein de trucs. Je vais pas pouvoir en passer le tiers du quart. Et puis en plus de ça, on a un grand témoin pas habituel. Normalement, c'est Manu qui fait grand témoin. Et puis aussi témoin à charge. Cette fois-ci, c'est le tueur, l'Obersturmführer, l'homme que l'on voit arriver avec un petit pincement au cœur à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? C'est Laurent. C'est Laurent toxique, Laurent astéroïde. Ouais, mais t'es pas dans le micro, donc t'arrêtes ton bras. T'es loin. Ah. On n'a pas mis d'overhead, hein. T'es pas derrière la batterie, Laurent. Bonjour. Là, c'est pas le bon en plus. Vas-y. Ah, il est pas passé mon bonjour. Si, ça y est, t'as dit bonjour. Faut que j'arbise bonjour. Ouais. Bonjour. Bon, par contre, toi, t'as rien préparé, c'est parce qu'on s'est vu dans la rue. Je sortais de chez moi, toi qui est là. Bah ouais, il faisait beau, je vais aller me promener. Je vais aller faire chier. Vous êtes croisé à Roubaix comme ça, non? Non, à l'homme. À l'homme, City Free Rocker. Et il était vénère, il m'a pas vu. Il était en train de râler avec sa petite tête qui faisait la moule sur une voiture. Je sais pas, il a dû lui refaire la priorité, c'était marrant. Tu sauras pas, mais en effet, je suis toujours en train de râler sur quelque chose, t'as raison. T'as une gueule de râleur, ça se voit. Et donc, pour ce 392e numéro de PCR, on va encore bien râler. En plus, il y a plein de morts là. Hein, bah ouais, grave. Hein. Donc, j'en ai vu un, j'ai vu que je me suis dit que Gigi, il allait être triste. Extrêmement triste. Bon, et ben pour l'instant, en tout cas, voici des gens qui ne sont pas morts. D'ailleurs, vous allez pouvoir les voir ce dimanche à la Mule Solo. Donc, pas ici à côté, mais là-bas dans le Vieux-Lille, 9 rue Désert. C'est les Singapouriens de Hyman's League qui font du punk à roulette. Et puis, ils seront avec, je sais plus qui, je vous le dirai après. Pour l'instant, voici Hyman's League avec Destiny. c'est vraiment trop mimi, la musique à JJ. Ben voilà, ça sera donc dimanche à la Mule Solo, 9 rue des Arts, dans le Vieux-Lille. Il y aura aussi Stone Leak, les Kyoto Heat. Ils viennent de Kyoto, au Japon. Ils font aussi du skatepunk, et puis il y aura Bertif, bien connu, avec Mister Le Garant. Puis ça sera, c'est à partir de 16h30 hein, qu'on nous dit, et le concert est gratos. Donc, ceux qui veulent vraiment y aller, surtout à la Mule Solo, il y a intérêt d'arriver pas trop tard, sinon tu restes dehors, et puis normalement, dimanche, il pleut. Il y a toujours une rotation qui se fait. Hein. Une rotation. Une rotation. Tu trouves ? Oui. Ouais, il y a des gens qui montent à la mezzanine, ils tombent. Pendant le circle pit. Pendant le circle pit. Ouais, c'est ça. Et puis, ils cassent la gueule sur les musiciens. Enfin bref, à Mule Solo, dimanche. Voilà. Ça y est, c'est à moi. Mais oui. Moi, je vais vous parler de Theo Weiss. Theo Weiss, c'est un artiste italien qui vit en Allemagne. Il a créé son propre label qui s'appelle Spaya Solar Records. Sa musique, c'est un mélange de garage et de power pop. Son premier album date de 2020 et sa dernière sortie, c'est un LP qui s'appelle Fermo o Sparo, qui veut dire arrêter ou tirer. C'est sorti au mois d'avril sur son propre label et aussi chez Turbo Discos. C'est là que je l'ai trouvé, je pense. Et en live, il est accompagné avec d'autres musiciens. Il n'est pas tout seul. Quand même. Ouais. Et on écoute tout de suite Morto di Caldo de Theo Weiss. Morto di Caldo ? C'est ça. Tu parles bien, tu. Bah ouais. Je dis la lien. Morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta con pesto col tonno. Sono fatto di mangio quello che voglio. E se manca di sale mi passa la fame. Mi manca un cane, mi manchi anche te. Sono morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta col pesto col tonno. Sono fatto di mangio quello che voglio. E se manca di sale mi passa la fame, mi manca il mio cane, mi manca anche te. Sono morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta col pesto col tonno. Sono fatto, mi mangio quello che voglio. E se manca di sale mi passa la fame, mi manca il mio cane, mi manca anche te. Sono morto più di una volta, nella notte la luna è stata. Non ci voglio pensare, mi metto a mangiare, mi fumo il mio cane, me ne devo andare. Da qua, e non importa che accadrà, e non importa coccodè. Una gallina, coccodè, non so chillare, parlare. Sono morto di caldo, di fatto mi mangio la pasta col pesto col tonno. Sono fatto, mi mangio quello che voglio. E se manca di sale mi passa la fame, mi manca il mio cane, mi manca anche te. Un drôle de son, cette guitare. Hein. Une guitare. Je sais pas, moi. Ouais. Bon, après, c'est bien, mais là, une gratte, là, bizarre. Hein? Ouais. Ça y est, tu vas pouvoir te rattraper et passer les titres que tu avais préparés depuis 3 mois. Ouais, depuis 3 mois, tout à fait, carrément. Nos chers amis de Dishavizer, de Brésil. C'était bien ça quand on les a vus là au Dortigno. Carrément, bah du coup on les avait, enfin moi je les avais rencontrés à titre perso, bah du coup avec Matraque Attack pour le concert. Puis après, bah titre perso, c'est que je les ai rencontrés, je leur ai parlé, ils m'ont répondu, ils étaient là, tu vois, c'était pas l'IA, tout ça, à titre personnel. C'est qui celle-là encore? Hein? C'est qui celle-là? Titre personnel. L'IA, c'est une meuf qui habite à titre perso, c'est ça? Ah l'IA, c'est un meuf. Du coup, on avait l'occasion de faire quelques dates avec eux. Ils avaient eu à la base au Brésil aussi, quand Matraque Attack avait fait sa tournée en Amérique latine, tout ça. Ils avaient avaient fait des dates avec eux au Brésil aussi. Donc, c'était l'occasion pour Christina Roman de les revoir. Et puis, bon, nous, on les a rencontrés. Bon, on a bien rigolé avec Céline Scarlett. Et du coup, voilà, avec Nader, avec Igor, batteur. Ouf, Igor, une machine à laver. En même temps, il est menuisier, donc on n'est pas dans l'électroménager. Savoir, hein. Mais lui, voilà, un batteur de ouf. Et bref, j'avais envie de repasser un petit morceau de Dishavizer, voilà. Donc ça s'appelle Fila de Corpos en Putrefação. C'est j'ai entendu une histoire. Je sais pas, tu en as parlé. Là, sur ma montée là. Attention là. Je t'ai coupé ? Non, oui, tu m'as coupé. Mais j'adore couper les gens. Ouais, ça les énerve, ça les met dans un état qui me plaît. T'es le gars qui est rouge, parle là. Je transpire. Il est rouge. J'adore être méchant et puis irrespectueux. C'est une passion. Non, mais j'ai appris que vous étiez vraiment des militants anti-pollution, tout ça, et que vous étiez tellement engagé que vous préfériez mettre du super dans un véhicule gasoil, diesel. Ah ouais, alors moi j'étais pas là quand ils ont fait ce virage. C'était avec Yuki en fait. Ils sont partis dans l'extrême quand même. C'est Yuki qui a fait faire ça. Ah, c'est pas pareil. Il y était là. Je confonds le week-end. Je sais pas, j'ai entendu ça ce week-end, moi. Ouais, c'est ça, mais c'était avec Yuki. Et tu sais qu'il m'avait fait la blague en plus deux semaines avant. Non, Thibaut, c'est de l'essence qu'il fallait mettre. Je te dis, c'est. J'étais là en mode merde, je vais te faire le plein de gasoil. Puis en fait, c'était du gasoil. Bref, ils ont. De merde à Lille. C'est Yuki. C'est Yuki, voilà. Ouais, c'est un créateur d'histoire, il est bien. On va en parler. Je vais passer un titre de. Regarde, t'as gagné 3 minutes d'émission, là, grâce à lui. Allez, répète. Bon, allez, Dishavizer, Fila de Corpos, Putrefação. Pourquoi tu dis Fila? C'est Pia. On ne peut pas vous engueuler plus tard, s'il vous plaît, c'est pas très cool, là. Bon, un tas de corps en putréfaction. Toi-même, tas de corps, ouais, vas-y. Bah oui, il paraît que ce batteur est sans nuance. Ah oui. Ah si, il sait faire forte. Forte et fortissimo. D'accord. Ouais. Bon, bah d'accord. Puisqu'on parlait de Jean, il y a leurs oreilles qui ont dû siffler, donc je vais passer un titre de lui, avec d'autres personnes qui jouent dans un groupe, avec d'autres personnes dont ça une qui est dans et d'ailleurs, elles font, voilà. Super, ils font plein de concerts. Il y a un concert lundi au BNR. Eh bah, faut l'annoncer, vas-y. Ouais, carrément, il y a un concert Chart Division. Il y a des petits supports qui viennent de loin quand même. Il y a un groupe du Costa Rica, et puis un groupe du Mexique, mais on en parlera après. C'est eux les supports. Ah, forcément. Bon, allez, pour l'instant, voici Chart Division. Qui ont déjà joué une paire de fois, dont au CCL, qui ont d'ailleurs été enregistrés en son et en image par la belle équipe de Cramé, qu'on peut retrouver sur YouTube et tout ça, iPhone, tout partout, sur tous les réseaux sociaux, même les réseaux non commerciaux, c'est quand même parce beau. À la base, ils voulaient pas, et Yuki a dit si, moi je veux. c'est pas... Ah, du coup, c'est sorti ça, je suis trop chaud. Et voici donc Chart Division avec Chart Days, avec avant la dame, elle dit merci à tout le monde parce qu'elle est sympa. On en profite pour remercier tout le monde. Merci Utopie de nous avoir invités. Enfin, plutôt Chart. Merci Bierso Chart. Et merci même Chart. Et la prochaine, sans déconner, en vrai, elle s'appelle Chart Days. C'est à cause de Marcel. Vous écoutez Campus 106,6, DAB+, Canal 7C, et puis campuslille.com. Vous choisissez votre arme, et puis même qu'il y a des podcasts, et puis, des replays, pardon. C'est comme ça qu'il faut dire, des replays qu'on peut retrouver. Si vous ne pouvez pas écouter maintenant, mais si vous écoutez pas maintenant, vous ne pouvez pas entendre ce que je vous dis, et vous l'écouterez quand vous écouterez. Et donc voilà, c'est Campus. Et c'est Pyongyang City Rockers, numéro 392. 392, bah. Ouais. Attends, ton machin, il marche pas. Il marche pas ça y est, on m'entend. Je te dis, vu que vous avez passé du Chart Division, il passe aussi mardi, on passe aussi mardi au CCL. Ah, tu joues dans Chart Division, toi? Ah ouais. Et avec Mère Mortals, Critique et Aise. Ah ouais. Ouais. Ça va être, oui, voilà. Ça va être une sacrée soirée aussi au CCL. 4 rues de Colmar. Trois fois CCL. C'est où ça le CCL? C'est un lieu mystique. Un peu d'autopromo, ça marche bien aussi. Ouais, c'est bien. Sinon, je vais vous parler de Gullhouse. Gullhouse, comme tu dirais. C'est un groupe de garage post-punk de Diest en Belgique. Ils sont passés au Skate & Rock à Tournai ce dimanche. Oui. J'ai eu l'occasion de les voir. Moi, j'ai trouvé ça bien. Tu vois des gens connus, toi? Bah ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé que ça manquait... on en parlait juste avant. Ça manquait un peu d'étincelle. Je sais pas, il manquait un truc. Ils jouent bien, les mecs. C'est pas mal, quoi. Mais je sais pas, il y aura un truc qui manque. Mais bon. Ça marche. Non, ça marche pas. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, c'est ah oui, ils ont sorti un premier LP en 2024 chez Pong Pong Records. Et on écoute tout de suite Horse de Gull House. C'est ce qu'on parlait. Pour donner envie, c'est ça. Un petit trailer, un petit. Ouh là là, mais tu parles bien français, toi, dis donc. Bah ouais, ouais, ouais, highlight, trailer, ouais, bien sûr, c'est français. Hein. Ouais. Je suis dans le gros Robert, le petit Robert. Voilà. Bon, Marcel, tu y vas ? Allez, Léon. Let's go. Georges. Écoute, je vais vous parler d'un. Alors, je peux vous parler d'un groupe, je vais parler d'une soirée, surtout, qui va se passer lundi. Voilà, il y a. Et avoir trois groupes au bout de nos rêves à prix libre, prix conseillé. Ouais, je fais d'un bruit avec ma bouche, j'ai fait du... Ah non, ça, non, un truc énervant, là. Beatbox ? Bah, je sais pas. Mais ça m'énerve. Ça s'appelle un tic. Les gens qui aiment pas, c'est les misophones. Ouais. Les gens qui aiment pas les bruits de fun. Mais trop de misophones. Manger des chips juste à côté de moi, j'en viendrai vraiment méchant. Boire de la soupe. Un jour, on va faire une émission comme ça, où il y aura plein de bruits. Ça passe mieux, mais ça m'énerve. ASMR. De la ASMR, mais à l'envers. Ah, c'était ça que je cherchais. Ah, l'ASMR. Ouais. En tout cas, ce sera pas de l'ASMR lundi à tourner. T'as vu, en plus, sur la table, il y a une mouche, là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Comment on l'a fait pour rentrer cette connasse? Bah, je sais pas. Tu crois qu'on arrive à capter le son de la mouche? Là, normalement, on devrait arriver jusqu'à 20h30 sans qu'il ait pu annoncer son truc en entier. Ouais. Il y a moyen. Surtout que la mouche est encore là. Ah, la mouche est encore là. C'est bon. Je prends le. Elle te tourne autour. Wow. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que les Américains et les Palestiniens qui sont emmerdés. Il attire les mouches, c'est quand même chelou. Ça va. J'irai pas plus loin, mais on comprend vite. Bon, alors lundi au BNR, il y aura trois groupes, Deshua, Sadero, Ladrona et Chart Division, qu'on vient d'écouter un petit morceau là, il n'y a pas longtemps. Du coup, un groupe, deux groupes en tournée, un groupe, donc le groupe costaricain Ladrona, eux, ils reviendront du Quétan notamment, pour aller jouer le lendemain, du coup, avec des Soaderos qui, eux, montent de Bordeaux pour aller vers Bruxelles. C'est beau, hein. Et ouais, le point de rencontre, c'est le BNR. C'est le BNR. Ouais. On se retrouve toujours au bout de nos rêves. Au bout de nos rêves. Voilà. Oui. Donc, bougez-vous parce que ça va être vraiment un chouette plateau. On ne reverrait pas de sitôt, n'est-ce pas? Ah, mais non, mais là, il fait le service avant-vente, là, mais alors. Un peu de poésie, enchaîne. Hein, on se retrouve toujours au bout de nos rêves, mais c'est beau. On se retrouve toujours au bout de nos rêves. Wow. Chez Pierre, chez Nénès. Ouais. On n'est pas bien. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est à Gourin-Ramecroix. Stéphane, tu connais l'adresse par cœur normalement. Ouais, de Grand Route numéro 141 à Gourin-Ramecroix, sur la route de Leuze. L'annuaire, quoi. Juste à côté de la friterie, là, pas loin. Ouais, à un kilomètre, tu fais un kilomètre dans l'autre sens, t'as la frite. Ouais. Et encore un petit peu avant, t'as un super restaurant italien, là. Pas trop cher, en plus. Ouais, maîtrise. C'est des vrais Italiens, ouais. C'est bon, ils te font de la bouffe. Mais... Ouais. Puis après, tu vas au concert et puis... Et puis voilà. T'endors, tu sais. Sur tes carapils. Bah ouais, ouais, c'est connu, on s'endort vite au BNR. Alors, Zeus. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Il y aura un message caché ou quoi? Non, c'est-à-dire qu'il y a un super sleeping confortable, tout ça. Voilà. Donc, bah écoutez, on va... Encore 3 minutes pour arriver à 20h30. À 20h30? Ok. Bah écoute... C'est un défi, hein, tiens. Bah écoute, on va arriver un petit peu plus loin que 20h30, parce que ces gens-là donc, font voilà, du crust et des longs morceaux. Sur ce split, t'as que des morceaux quasiment qui excèdent 4 minutes, c'est assez, assez rare pour le fait, style. C'est du progressif, c'est du crust progressif. Mais ouais, c'est un peu crust progressif, ça me passe pas sur tous les pas sur tous les records, mais notamment sur le dernier là, sur le dernier les split. Disques, tu veux dire. Ouais, sur les enregistrements. enregistrements ouais. Mais sur les derniers disques, ouais, sur le dernier disque, il y a que des morceaux comme ça. Vous allez vraiment aller jusqu'à 30 On va faire de l'ASMR jusqu'au bout, tu vas voir, ça va faire ping-pong. Oui, il lance sa casquette. Des choux à Adéro, Automousse. C'était... Non, pas d'alcool. C'était Crucified. J'ai marqué que c'est sorti le mois dernier, mais en fait, c'est ce que j'avais écrit il y a un mois. Donc, en fait, c'est sorti il y a deux mois. Enfin, voilà, deux mois dernier. Ouais. Deux mois dernier, ouais. Crucified de Courtrai, qui nous faisait burn. À noter la superbe pochette du disque représentant une bande de fiers à bras prêts à en découdre. Et j'ai pas encore demandé... c'est parce que j'ai cherché voir si cette photo, on l'a trouvée ailleurs sur... les internets et on ne la trouve point. Donc c'est peut-être ça va peut-être une collection personnelle, tu sais, t'as des mecs avec des flingues, tu sais, mais des mecs en habit de ville, quoi, tu vois, c'est un peu résistant, quoi, tu vois. Y a pas mal. Ou alors c'est fait avec une IA, on sait pas. Hein. On fait tellement de choses de nos jours avec l'IA. Hein. C'est vrai que je la rencontre un jour parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources, j'ai l'impression. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 392. Et maintenant, la parole est à la défense. Moi, je vais vous reparler de Oh Yes No. J'en ai déjà posé plusieurs fois des morceaux ici. Ils sont passés au BNR. Qui sont passés au BNR. Bah ouais. C'est un trio post-punk, art-punk, qui vient de Croatie. Ils ont des morceaux courts, un peu chaotiques et qui vont droit au but. C'est... ouais. C'est un groupe qui s'est formé pendant le confinement et là ils viennent de sortir un tout nouvel EP qui s'appelle Simple Tones. C'est sorti sur le label Jolly Turtle. Je vais pas le prononcer à la à la en croate parce que il met les deux noms, il met le nom croate et il met le nom en anglais. Du coup, je préfère dire Jolly Turtle. On écoute tout de suite Sunglasses de Oh Yes No. Bien. Et qu'est-ce qu'il disait le monsieur? Ça ressemble à... À Lucrate Milk. Ouais, ouais. Oh, mais attends, on parle en off, on discute de trucs, ouais. Et on vient dans le bazar. Non, non, bref, oui, c'est ça, Lucrate Milk. Quoi, donc, ouais, c'est moi, j'aime beaucoup. Hein, c'est des groupes qui osaient pousser un peu les limites, les repères et tout, les conventions et les anticonformistes musicaux. Quoi, et moi, j'aime bien, c'est frais. En plus, c'est vraiment pas mal. Là. C'est bien, ouais, ça. Trop bien. Ouais. Ah ouais, ça me fait réagir. Quoi, merci, c'est vrai. Le maître Capello du peuple. J'aime bien les trucs cons, quoi, comme ça. C'est bien. C'est fou. Et en Allemagne, ils sont très bons dans le genre. Non, t'arriveras pas en caler une, t'inquiète pas. T'avais pas des trucs à annoncer, Mister? Oh, bah si, j'ai cet honneur là d'avoir quelques secondes, j'en profite. Ouais, deux, trois informations. Profite, hein. Ouais. Tu dis, Thibaut? J'en profite, ouais. Ouais. Ouais. On reste là-dessus ou. Ouais, ouais. Alors, non, bah, c'est pour PKRK. Voilà, je fais un petit ça peu. Ça existe encore cette affaire? Mais ça existe encore. Ouais, ça existe encore. Ils se sont reformés avec un nouveau line-up. Donc, groupe dans lequel j'ai officié quelques années. Je ne sais plus de quelle année, encore moins quand ça a terminé. Et Vincent reste aujourd'hui le chanteur. Il y a 3-4 ans, là, non? Qu'on a arrêté? Ouais. Que j'ai arrêté, ouais. Ouais, ouais, j'ai dû faire ça 5-6 ans, un truc comme ça. Bon, on est toujours. Un super concert avec Artenbass, d'ailleurs. Il était chaud à la ferme d'en haut. Tu te rappelles de ce concert? Ah bah, il est chaud 9 fois sur 10. Donc, je me rappelle de plein de moments avec lui, plus ou moins douteux. Enfin, peu importe, ça reste un super compain. Et oui, bah, j'ai pas tout assumé, hein, pour être honnête. Mais voilà, c'est un super camarade. On s'entend vraiment bien, tant humainement que musicalement. Et là, il vient de sortir une BD au sujet de PKRK. Elle sort aujourd'hui. Et c'est bien la raison pour laquelle je voulais en parler. Et bah, c'est bien parce que c'est quand même un. Bon, déjà, c'est l'histoire de PKRK en partie, dans les grandes années en tout cas, donc on est plus sur les années 90, si j'ai bien compris, parce que je ne l'ai pas lu. Avec Caps et tout. Hein. Avec Caps et, ouais, et tout le bordel. Ouais, ouais. Il a travaillé là-dessus depuis au moins 5-6 ans, là, parce que déjà quand j'ai démarré, ça, c'était le début. Donc ouais, il y a plus, même 6-7 ans peut-être. Voilà, et la BD sort aujourd'hui, donc bah, j'en fais une petite promo. Pour l'obtenir, ça se passe avec Manu de Zone 11, qui est un label. Donc c'est Zone 11 édition pour le coup, parce qu'on est un petit peu plus sur du papier. Bien. Il fait aussi du Scud. Zone11records@gmail.com. Voilà. Pour la maudite somme de... Maudite. 25,50 euros. Maudite somme de 15 euros. 15 francs, ouais, mais voilà. C'est comment? C'est une BD comment? Comme ça, la souris ou quoi? Non, non, c'est une vraie BD... papier. Ah ouais, et toi, t'es conservateur, attention, hein, tu es en train de passer un virage, là. Hein. Non, moi, je suis rétrograde, moi. Je suis complètement rétrograde. T'aimes pas l'évolution, quoi. C'est tellement nul. T'as entendu ce qu'il a dit? Non. Rétrograde en Serbie. Oh là là. Ah ouais, ouais. T'es culturel, voilà. Quand même. Ah bah, je suis cono, hein. C'est l'émission des punks cultivés, ici, on est trop culturel, nous, hein, tu vois. Donc, il y avait ça, et puis des infos qui me concernent un peu plus. Il y en a deux, hein. Ouais, vas-y. J'ai pas compris. C'est ta promo haute cause. Ouais, ouais. Bah, on fait un concert dans le coin, on en fait tellement peu que bon, je dis, allez, tiens, on va peut-être aller en parler. En fait, on joue le 27 juin à Montreuil, à Paris, mais donc c'est pas ici. Et le lendemain, le 28, le samedi 28 juin, on joue à Carvin. Fête de la musique à Carvin. Il y a encore des concerts à Carvin? Bah ouais, écoute, voilà, moi je suis pour faire bouger les endroits qui sont le moins évidents, en gros, ailleurs que dans les villes. C'est en plein air, cette affaire? C'est en plein air, je crois. Ouais. Et ouais. Ton casque, t'entendras ce qu'on dit. Je crois, ouais. Mais je t'entends, t'es juste à côté. Bâtard. J'ai pas pris le virage, moi, encore. Hein, donc ça, c'est la première info. En fait, je vais en dire encore deux. Je triche. Mais parce que j'organise trois dates. 20h43, là. J'organise, ouais. Très vite. J'organise trois dates. Le 24, le 25 et le 26. Octobre, on n'y est pas. Il y a Erli, Béthune et Dunkerque. Et voilà. Et ça se passe avec Mad Marx, qui est le nouveau groupe du guitariste des Yoka. D'accord. Voilà. Okay. Qui est un très bon pote aussi. Qu'on n'a pas encore passé ici, je crois aussi. Non, je sais pas. Mad Marx, moi, il va falloir le passer, hein. Quand j'étais venu la dernière fois. Là, ah ouais, bah c'est toi, ouais. D'accord. Moment, quand même. Ouais. Voilà. Et la dernière info, c'est qu'on a notre troisième album avec Asteroid, là, qui est parti à l'usine il y a deux jours, ou hier même, ou peut-être même ce matin. Parce que tu sais, il faut toujours valider des validations, ouais. De peut-être que c'est pas encore sûr, mais peut-être fais attention si le texte, il n'y a pas une faute et tout, et les formats et les graphiques et tout le bordel. Bref, donc là, c'est parti à l'usine, c'est donc le volume 2 du deuxième album. C'est... On peut dire le troisième album, ça dépend de comment on voit les choses. Ah oui. On entend un peu plus fort que le volume 1. Et tu t'étais donné comme mission de me couper, non, de me faire chier, t'as pas réussi. Non, parce que d'abord, il est sympa. Il est sympa, c'est bien sûr que c'est un troisième album. Dans son regard et tout, il aime pas. Il respect, mec, vas-y, fonce. Bien sûr que c'est un troisième album, vu que de toute façon, on a payé le prix fort pour le deuxième, le troisième, ça va être pareil. Je sais pas trop ce qu'il faut répondre, c'est chelou, je comprends pas bien. Mais... Et pourquoi vous faites pas ça pour si la Chine, vous? Si c'était des deuxièmes albums. Ah non, moi, ah. Ici, nous, on paye. Ah, vous payez pour venir. Vous êtes assez con pour payer, mais pour venir ici. Bah, ouais, tu m'as regardé. Bon, bah voilà, t'as compris. Les heures et les baisers, on l'a mis, on choisit son camp. Voilà, c'est comme ça. C'est ça. Non, bah, ça va être 15 balles, quoi, comme d'habitude. Et le lien, parce que putain, il y a un lien quand même avec la première info, c'est que c'est Vincent PK qui a fait cette pochette, qui est aujourd'hui encore non dévoilée. Donc, bon, ça va arriver dans peu de temps, avec un petit flyer promo, il y aura des préventes et tout le bazar. Faudra changer l'image de fond du site web, là, ou quoi? Je sais pas, mais j'ai encore quelques questions à te poser sur le sujet. C'est peut-être pas le moment, par contre. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Non, bon, donc pour retrouver toute l'actualité de Astroïd, vous allez sur une seule adresse, astroïd.fr. Voilà. Un super site internet fabriqué par notre cher et tendre Steph. Voilà, et encore merci. Bon, allez, on va continuer en passant de la musique. Mais laquelle, je ne sais pas. C'est moi? Non, c'est toi. C'était Thibaut. C'est vous, monsieur Thibaut. Bah, écoute, tu peux passer encore un titre d'un des groupes qui va jouer du coup à tourner ce lundi. C'est le 16, on a dit. Hein, ouais, on a dit que c'était le 16 juin au BNR. Voilà, la Drona qui nous vient du Costa Rica, Monumento, donc sur l'album là qui est sorti il y a pas longtemps, au mois de mai 2025. Monumento. Youpi, ouais. Par contre, c'est du vrai, hein, bam. Oui. Pas comme l'autre groupe de black metal tout à l'heure, là. Oh, radio, ça, ouais. Viens lundi, tu verras bien, Viens lundi. Et Mi, je fais une émission le lundi soir. Mais c'est pas. Donc, tu remettras celle de la semaine dernière. Avec les dates si de concert de la semaine. Je sais pas si ça va marcher, ouais. Bah tiens, à propos de concert, encore un truc à ne pas rater, enfin je pense. Oui, en tout cas, la bulle solo. Surtout que c'est ce vendredi, oui j'ai dit, mais c'est ce vendredi 13 qu'a lieu la release partie de Chief Chaffs, les compas, qu'on avait fait jouer ici en, je sais plus quand, en 2022 je crois. Et ben là, ils nous sortent leur quatrième opus, qui est un 4 titres qui s'appelle je sais plus quoi. On dit un EP à ce moment-là, un EP. Hein? Non, mais je dis opus parce que moi aussi j'ai envie de parler anglais. C'est et donc ils font leur release party au Pits avec un groupe parisien qui répond au nom de Dérapage. Nous allons donc maintenant écouter pour annoncer ce concert de vendredi. Premièrement, Chief Chaffs avec For I Am Nothing sur ce disque là, donc ils vont étraîner ce vendredi. Et ensuite il y aura Dérapage avec C'est Dommage sur Campus 106,6, Pyongyang City Rockers 392. We'll be right back. C'est quoi? Bah, Dérapage. Boom, qui vont jouer vendredi. Ouais, hein. Ah ouais, c'est énergique, c'est frais. Entre Olivenstein et puis Blessed Virgin. Blessed Virgin. Sorti ce vieux nom de groupe avec le charlet à la croche rapide. Tatatatatata de Blessed Virgin, je parle. Mais putain, vachement bien ça. Et ça joue vendredi au Pit, ok. Absolument, cher ami. Et puis donc, il est 20h53. Mais on a presque fini cette émission. On va déborder un peu sur celle d'après, non? Bah, on leur dit pas. On leur dit rien, ouais. Mine de rien, comme je t'attaque. On pique une demi-heure. Bon, Célia, t'avais encore un truc à passer. Bah ouais, j'ai encore un truc à passer. Bah, du coup, je suis allée voir les nouveautés de Oh Yes No et je suis tombée sur ce label Jolly Turtle et j'ai vu que The A-A's and The Blablas avaient aussi sorti un nouvel album. Non, mais en fait, c'est un mec des Beach Boys qui est mort, pas des A-A's et Blablas. Oui, je sais. Ah, arrête, tu me remues le cœur. Hey, quand même, t'aimes pas le rock'n'roll, toi? Non, j'aime bien le surf, par contre, maintenant. D'accord. Bah du coup c'est aussi un groupe de Zagreb, leur musique ressemble vachement à Oh Yes No. Ils ont sorti leur premier album qui s'appelle The A-A's and The Blablas. Ils l'ont sorti en cassette et c'est aussi chez Dirty Old Label, c'est un autre label de Croatie. Et on écoute tout de suite Stolen Song de The A-A's and The Blablas. Sometimes I feel without you, knowing it. This time I know I live. I stole this song from a guy named Daniel. If this song is hit, I'll forever remember his name. In which case, I might be contact with him so that I can pay him about the percentage we will agree. There will be no problems, I believe. I know Daniel is a good man. Jam. That is so sweet when no Ah ouais, bah oui, c'est le ska de fin, parce qu'il est déjà 20h57 minutes et 30 secondes. À l'antenne de Radio Campus, 106,6 The Busters. C'est des cheveux, ça, je crois. C'est la grosse reprise de Oubang Stomp. Ça avait été repris aussi par les Stray Cats, c'était tout chaud. Enfin, mais c'est un vieux truc des années 60. Hein. Standard, on appelle ça. Un standard, absolument. Bah, c'est la fin du 392e numéro de Pyongyang City Rockers. On se retrouve la semaine prochaine, même fréquence, tout le bordel. N'hésitez pas à rester à l'antenne, vu que d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir écouter la douce voix de JD et de son Teeth Grinder. Il y a un concert au CCL ce soir. Et puis sinon, il y a un concert au CCL, il y a Death by Fog, The Naked Nurses et je sais plus quoi. Un troisième groupe. Du black metal au bouzouki, un groupe qui vient de Bruxelles. Ouais, bref, ça sert en ce moment au CCL, donc vous y allez si vous voulez. Et puis, alors, on se retrouve la semaine prochaine et on n'oublie pas. Akab. Moi je propose, il est 20h59, il reste pile poil une minute dans 15 secondes, faire une minute de silence pour le chanteur des Beach Boys, que nous regrettons tous. Hein, tu peux faire une oraison funèbre et une nuit de silence mis, toi, à Brian quoi, Wilson plutôt qu'à Colin Jorwood. Je le retiens. Au revoir. C'est pas vraiment méchant.